Adieu par Honoré de Balzac. Allons, député du centre, en avant. Il s'agit d'aller au pas accéléré si nous voulons être à table en même temps que les autres. Oh, le pied, saute, marquis, là donc, bien. Vous franchissez les sillons comme un véritable cerf. Ces paroles étaient prononcées par un chasseur paisiblement assis sur une lisière de la forêt de l'Isle-Adam et qui achevait de fumer un cigare de la Havane en attendant son compagnon, sans doute égaré depuis longtemps dans les alliés de la forêt. À ses côtés, quatre chiens haletants regardaient comme lui le personnage auquel il s'adressait. Pour comprendre combien étaient railleuses ces allocutions répétées par intervalles, il faut dire que le chasseur était un gros homme court, dont le ventre proéminent accusait un embonpoint véritablement ministériel. Aussi arpentait-il avec peine les sillons d'un vaste champ récemment moissonné, dont les chaumes gênaient considérablement sa marche. Puis, pour surcroît de douleur, les rayons du soleil qui frappaient obliquement sa figure y amassaient de grosses gouttes de sueur. Préoccupé par le soin de garder son équilibre, il se penchait tantôt en avant, tantôt en arrière, en imitant ainsi les soubresauts d'une voiture fortement cahotée. Ce jour était un de ceux qui, pendant le mois de septembre, achèvent de mûrir les raisins par des feux équatoriaux. Le temps annonçait un orage. Quoique plusieurs grands espaces d'azur séparassent encore vers l'horizon de gros nuages noirs, on voyait des nuées blondes s'avancer avec une effrayante rapidité, en étendant, de l'ouest à l'est, un léger rideau grisâtre. Le vent, n'agissant que dans la haute région de l'air, l'atmosphère comprimait vers les bas-fonds les brûlantes vapeurs de la terre. Entouré de hautes futaies qui le privaient d'air, le vallon qui franchissait le chasseur avait la température d'une fournaise. Ardente et silencieuse, la forêt semblait avoir soif. Les oiseaux, les insectes étaient muets, et les cimes des arbres s'inclinaient à peine. Les personnes auxquelles il reste quelques souvenirs de l'été de 1819 doivent donc compatir aux maux du pauvre ministériel, qui suait sang et eau pour rejoindre son compagnon moqueur. Tout en fumant son cigare, celui-ci avait calculé, par la position du soleil, qu'il pouvait être environ 5 heures du soir. « Où diable sommes-nous ? » dit le gros chasseur en s'essuyant le front et s'appuyant contre un arbre du champ, presque en face de son compagnon, car il ne se sentit plus la force de sauter le large fossé qui l'en séparait. « Et c'est à moi que tu le demandes ?» répondit en riant le chasseur couché dans les hautes herbes jaunes qui couronnaient le talus. Il jeta le bout de son cigare dans le fossé en s'écriant « Je jure par Saint-Hubert qu'on ne me reprendra plus à m'aventurer dans un pays inconnu avec un magistrat. Fût-il comme toi, mon cher Dalbon, un vieux camarade de collège ?»« Mais, Philippe, vous ne comprenez non plus le français ?» « Vous avez sans doute laissé votre esprit en Sibérie, » répliqua le gros homme en lançant un regard douloureusement comique sur un poteau qui se trouvait à 100 pas de là. « J'entends, » répondit Philippe, qui saisit son fusil, se leva tout à coup, s'élança d'un seul bond dans le champ et courut vers le poteau. « Par ici, Dalbon, par ici, demi-tour à gauche » cria-t-il à son compagnon en lui indiquant par un geste une large voie pavée. « Chemin de Baillet à l'Isle-Adam, » reprit-il. « Ainsi, nous trouverons dans cette direction celui de Cassan, qui doit s'embrancher sur celui de l'Isle-Adam. »« C'est juste, mon colonel, » dit M. Dalbon, en remettant sur sa tête une casquette avec laquelle il venait de s'éventer. « En avant donc, mon respectable conseiller, » répondit le colonel Philippe en sifflant les chiens, qui semblaient déjà lui mieux obéir qu'au magistrat auquel il appartenait. « Savez-vous, monsieur le marquis, » reprit le militaire goguenard, « que nous avons encore plus de 2 lieues à faire. » « Le village que nous apercevons là-bas doit être Baillet. »« Grand Dieu !» s'écria le marquis d'Albon. « Allez à Cassan, si cela peut vous être agréable, mais vous irez tout seul. Je préfère attendre ici, malgré l'orage. Un cheval que vous m'enverrez du château. »« Vous vous êtes moqué de moi, Sucy. Nous devions faire une jolie petite partie de chasse, ne pas nous éloigner de Cassan, fureter sur les terres que je connais. Bah, au lieu de nous amuser, vous m'avez fait courir comme un lévrier depuis 4 heures du matin. » Et nous n'avons eu pour tout déjeuner que 2 tasses de lait. Ah, si vous avez jamais un procès à la cour, je vous le ferai perdre, eussiez-vous 100 fois raison. » Le chasseur, découragé, s'assit sur une des bornes qui était au pied du poteau, se débarrassa de son fusil, de sa carne acerbide et poussa un long soupir. « France, voilà tes députés !» s'écria en riant le colonel de Sucy. « Ah, mon pauvre Dalbon, Si vous aviez été comme moi 6 ans au fond de la Sibérie. » Il n'acheva pas et leva les yeux au ciel, comme si ses malheurs étaient un secret entre Dieu et lui. « Allons, marchez, » ajouta-t-il. « Si vous restez assis, vous êtes perdu. Que voulez-vous, Philippe ? C'est une si vieille habitude chez un magistrat. D'honneur, je suis excédé. Encore si j'avais tué un lièvre. » Les deux chasseurs présentaient un contraste assez rare. Le ministériel était âgé de 42 ans et ne paraissait pas en avoir plus de 30, tandis que le militaire, âgé de 30 ans, semblait en avoir au moins 40. Tous deux étaient décorés de la rosette rouge, attribut des officiers de la Légion d'honneur. Quelques mèches de cheveux, mélangées de noir et de blanc comme l'aile d'une pie, s'échappaient de dessous la casquette du colonel. De belles boucles blondes ornaient les tempes du magistrat. L'un était de haute taille, sec, maigre, nerveux, et les rides de sa figure blanche trahissaient des passions terribles ou d'affreux malheurs. L'autre avait un visage brillant de santé, jovial et digne d'un épicurien. Tous deux étaient fortement hâlés par le soleil, et leurs longues guêtres de cuir fauve portaient les marques de tous les fossés, de tous les marais qu'ils avaient traversés. « Allons !» s'écria M. de Sucy, « en avant !»« Après une petite heure de marche, nous serons à Cassan, devant une bonne table. » « Il faut que vous n'ayez jamais aimé, » répondit le conseiller d'un air piteusement comique. « Vous êtes aussi impitoyable que l'article 304 du Code pénal. » Philippe de Sucy tressaillit violemment. Son large front se plissa. Sa figure devint aussi sombre que l'était le ciel en ce moment. Quoiqu'un souvenir d'une affreuse amertume crispât tous ses traits, il ne pleura pas. Semblable aux hommes puissants, il savait refouler ses émotions au fond de son cœur et trouvait peut-être, comme beaucoup de caractères purs, une sorte d'impudeur à dévoiler ses peines, quand aucune parole humaine n'en peut rendre la profondeur et qu'on redoute la moquerie des gens qui ne veulent pas les comprendre. M. Dalmont avait une de ces âmes délicates qui devinent les douleurs et ressentent vivement la commotion qu'elles ont involontairement produite par quelque maladresse. Il respecta le silence de son ami, se leva, oublia sa fatigue et le suivit silencieusement, tout chagrin d'avoir touché une plaie qui probablement n'était pas cicatrisée. « Un jour, mon ami, » lui dit Philippe en lui serrant la main, en le remerciant de son muet repentir, par un regard déchirant, « un jour, je te raconterai ma vie. Aujourd'hui, je ne saurais. » Ils continuèrent à marcher en silence. Quand la douleur du colonel parut dissipée, le conseiller retrouva sa fatigue, et avec l'instinct, ou plutôt avec le vouloir d'un homme harassé, son œil sonda toutes les profondeurs de la forêt. Il interrogea les cimes des arbres, examina les avenues, en espérant y découvrir quelque gîte où il pût demander l'hospitalité. En arrivant à un carrefour, il crut apercevoir une légère fumée qui s'élevait entre les arbres. Il s'arrêta, regarda fort attentivement et reconnut, au milieu d'un massif immense, les branches vertes et sombres de quelques pins. « Une maison ! Une maison ! » s'écria-t-il avec le plaisir qu'aurait eu un marin à crier « Terre ! Terre !» Puis il s'élança vivement à travers un hallier assez épais et le colonel, qui était tombé dans une profonde rêverie, l'y suivit machinalement. « J'aime mieux trouver ici une omelette, du pain de ménage et une chaise que d'aller chercher à Cassan des divans, des truffes et du vin de Bordeaux. » Ces paroles étaient une exclamation d'enthousiasme arrachée au conseiller par l'aspect d'un mur dont la couleur blanchâtre tranchait, dans le lointain, sur la masse brune des troncs noueux de la forêt. « Ah ! Ceci m'a l'air d'être quelque ancien prieuré !» s'écria de Réchef, le marquis d'Albon, en arrivant à une grille antique et noire, d'où il put voir, au milieu d'un parc assez vaste, un bâtiment construit dans le style employé jadis pour les monuments monastiques. Comme ces coquins de moines savaient choisir un déplacement. Cette nouvelle exclamation était l'expression de l'étonnement que causait au magistrat le poétique ermitage qui s'offrait à ses regards. La maison était située à mi-côte, sur le revers de la montagne, dont le sommet est occupé par le village de Nerville. Les grands chênes séculaires de la forêt, qui décrivaient un cercle immense autour de cette habitation, en faisaient une véritable solitude. Le corps de logis jadis destiné aux moines avait son exposition au midi. Le parc paraissait avoir une quarantaine d'arpents. Auprès de la maison régnait une verte prairie, heureusement découpée par plusieurs ruisseaux clairs, par des nappes d'eau gracieusement posées et sans aucun artifice apparent. Ça et là s'élevaient des arbres verts aux formes élégantes, aux feuillages variés, puis des grottes habilement ménagées, des terrasses massives avec leurs escaliers dégradés et leurs rampes rouillées, imprimait une physionomie particulière à cette sauvage thébaïde. L'art y avait également uni ses constructions aux plus pittoresques effets de la nature. Les passions humaines semblaient devoir mourir au pied de ces grands arbres qui défendaient l'approche de cet asile au bruit du monde comme ils y tempéraient les feux du soleil. « Quel désordre !» se dit M. d'Albon, après avoir joui de la sombre expression que les ruines donnaient à ce paysage qui paraissait frappé de malédiction. C'était comme un lieu funeste abandonné par les hommes. Le lierre avait étendu partout ses nerfs tortueux et ses riches manteaux. Des mousses brunes, verdâtres, jaunes-rouges répandaient leur teinte romantique sur les arbres, sur les bancs, sur les toits, sur les pierres. Les fenêtres vermoulues étaient usées par la pluie, creusées par le temps. Les balcons étaient brisés, les terrasses démolies. Quelques persiennes ne tenaient plus que par un de leurs gonds. Les portes disjointes paraissaient ne pas devoir résister à un assaillant. Chargées d'étoffes luisantes du gui, les branches des arbres fruitiers négligés s'étendaient au loin sans donner de récolte. De hautes herbes croissaient dans les allées. Ces débris jetaient dans le tableau des effets d'une poésie ravissante et des idées rêveuses dans l'âme du spectateur. Un poète serait resté plongé là, dans une longue mélancolie, en admirant ce désordre plein d'harmonie, cette destruction qui n'était pas sans grâce. En ce moment, quelques rayons de soleil se firent jour à travers les crevasses des nuages, illuminèrent par des jets de mille couleurs cette scène à demi sauvage. Les tuiles brunes resplendirent, les mousses brillèrent, des ombres fantastiques s'agitèrent sur les prés, sous les arbres, des couleurs mortes se réveillèrent, les oppositions piquantes se combattirent, les feuillages se découpèrent dans la clarté. Tout à coup, la lumière disparut. Ce paysage, qui semblait avoir parlé, se tut et redevint sombre, ou plutôt doux comme la plus douce teinte d'un crépuscule d'automne. « C'est le palais de la Belle au bois dormant, » se dit le conseiller qui ne voyait déjà plus cette maison qu'avec les yeux d'un propriétaire. « À qui cela peut-il donc appartenir ? Il faut être bien bête pour ne pas habiter une si jolie propriété. » Aussitôt, une femme s'élança de dessous un noyer planté à droite de la grille et, sans faire de bruit, passa devant le conseiller aussi rapidement que l'ombre d'un nuage. Cette vision le rendit muet de surprise. « Eh bien, d'Albon, qu'avez-vous ? » lui demanda le colonel. « Je me frotte les yeux pour savoir si je dors ou si je veille, » répondit le magistrat en se collant sur la grille pour tâcher de revoir le fantôme. « Elle est probablement sous ce figuier, » dit-il en montrant à Philippe le feuillage d'un arbre qui s'élevait au-dessus du mur à gauche de la grille. « Qui, elle ? » ?»« Eh, puis-je le savoir ?» reprit M. d'Albon. « Il vient de se lever, là, devant moi, » dit-il à voix basse, « une femme étrange. Il m'a semblé plutôt appartenir à la nature des ombres qu'au monde des vivants. Elle est si svelte, si légère, si vaporeuse, qu'elle doit être diaphane. Sa figure est aussi blanche que du lait. Ses vêtements, ses yeux, ses cheveux sont noirs. Elle m'a regardé en passant, et quoique je ne sois point peureux, son regard immobile et froid m'a figé le sang dans les veines. « Est-elle jolie ?» demanda Philippe. « Je ne sais pas. Je ne lui ai vu que les yeux dans la figure. « Au diable, le dîner de Cassan !» s'écria le colonel. « Restons ici. J'ai une envie d'enfant d'entrer dans cette singulière propriété. Vois-tu ces châssis de fenêtres peints en rouge et ces filets rouges dessinés sur les moulures des portes et des volets ? Ne semble-t-il pas que ce soit la maison du diable ? Il aura peut-être hérité des moines. Allons, courons après la dame blanche et noire. En avant !» s'écria Philippe avec une gaieté factice. En ce moment, les deux chasseurs entendirent un cri assez semblable à celui d'une souris prise au piège. Ils écoutèrent. Le feuillage de quelques arbustes froissés retentit dans le silence, comme le murmure d'une onde agitée. Mais quoiqu'ils prêtassent l'oreille pour saisir quelques nouveaux sons, la terre resta silencieuse et garda le secret des pas de l'inconnu si toutefois elle avait marché. « Voilà qui est singulier !» s'écria Philippe en suivant les contours que décrivaient les murs du parc. Les deux amis arrivèrent bientôt à une allée de la forêt qui conduit au village de Chauvry. Après avoir remonté ce chemin vers la route de Paris, ils se trouvèrent devant une grande grille et virent alors la façade principale de cette habitation mystérieuse. De ce côté, le désordre était à son comble. D'immenses lézards sillonnaient les murs de trois corps de logis bâtis en équerre. Des débris de tuiles et d'ardoises amoncelaient la terre et des toits dégradés annonçaient une complète incurie. Quelques fruits étaient tombés sur les arbres et pourrissaient sans qu'on les récoltât. Une vache paissait à travers les boulingrins et foulait les fleurs des plates-bandes tandis qu'une chèvre broutait les raisins verts et les pampres d'une treille. Ici, tout est harmonie et le désordre y est en quelque sorte organisé, dit le colonel en tirant la chaîne d'une cloche. Mais la cloche était sans battant. Les deux chasseurs n'entendirent que le bruit singulièrement aigre d'un ressort rouillé. Quoique très délabré, la petite porte pratiquée dans le mur auprès de la grille résista néanmoins à tout effort. « Oh oh, tout ceci devient très curieux, » dit-il à son compagnon. « Si je n'étais pas magistrat, » répondit M. d'Albon, « je croirais que la femme noire est une sorcière. » À peine avait-il achevé ces mots que la vache vint à la grille et leur présenta son mufle chaud, comme si elle éprouvait le besoin de voir des créatures humaines. Alors une femme, si toutefois ce nom pouvait appartenir à l'être indéfinissable, qui se leva de dessous une touffe d'arbustes, tira la vache par sa corde. Cette femme portait sur la tête un mouchoir rouge d'où s'échappaient des mèches de cheveux blonds assez semblables à l'étoupe d'une quenouille. Elle n'avait pas de fichu. Un jupon de laine grossière à raies alternativement noires et grises, trop court de quelques pouces, permettait de voir ses jambes. L'on pouvait croire qu'elle appartenait à une des tribus de Port-Rouge célébrées par Cooper, car ses jambes, son cou et ses bras nus semblaient avoir été peints en couleur de brique. Aucun rayon d'intelligence n'animait sa figure plate. Ses yeux bleuâtres étaient sans chaleur et ternes. Quelques poils blancs clairsemés lui tenaient lieu de sourcils. Enfin, sa bouche était contournée de manière à laisser passer des dents mal rangées, mais aussi blanches que celles d'un chien. « Oui, la femme !» cria M. de Sucy. Elle arriva lentement jusqu'à la grille, en contemplant d'un air niais les deux chasseurs à la vue desquels il lui échappa un sourire pénible et forcé. « Où sommes-nous? Quelle est cette maison-là? À qui est-elle? Qui êtes-vous? Êtes-vous d'ici ?» À ces questions et à une foule d'autres que lui adressèrent successivement les deux amis, elle ne répondit que par des grognements gutturaux qui semblaient appartenir plus à l'animal qu'à la créature humaine. « Ne voyez-vous pas qu'elle est sourde et muette ?» dit le magistrat. « Bons hommes !» s'écria la paysanne. « Ah, elle a raison. Ceci pourrait bien être l'ancien couvent des bons hommes, » dit M. d'Albon. Les questions recommencèrent, mais comme un enfant capricieux, la paysanne rougit, joua avec son sabot, tortilla la corde de la vache qui s'était remise à paître, regarda les deux chasseurs, examina toutes les parties de leur habillement. Elle glapit, grogna, gloussa, mais elle ne parla pas. « Ton nom ?» lui dit Philippe en la contemplant fixement comme s'il eût voulu l'ensorceler. « Geneviève, » dit-elle en riant d'un rire bête. « Jusqu'à présent, la vache est la créature la plus intelligente que nous ayons vue, » s'écria le magistrat. « Je vais tirer un coup de fusil pour faire venir du monde. » Au moment où d'Albon saisissait son arme, le colonel l'arrêta par un geste et lui montra du doigt l'inconnu qui avait si vivement piqué leur curiosité. Cette femme semblait ensevelie dans une méditation profonde et venait à pas lents par une allée assez éloignée, en sorte que les deux amis eurent le temps de l'examiner. Elle était vêtue d'une robe de satin noir tout usée. Ses longs cheveux tombaient en boucles nombreuses sur son front, autour de ses épaules, descendaient jusqu'en bas de sa taille et lui servaient de châle. Accoutumée sans doute à ce désordre, elle ne chassait que rarement sa chevelure de chaque côté de ses tempes. Mais alors, elle agitait la tête par un mouvement brusque et ne s'y prenait pas à deux fois pour dégager son front ou ses yeux de ce voile épais. Son geste avait d'ailleurs, comme celui d'un animal, cette admirable sécurité de mécanisme dont la prestesse pouvait paraître un prodige dans une femme. Les deux chasseurs étonnés la virent sauter sur une branche de pommier et s'y attacher avec la légèreté d'un oiseau. Elle y saisit des fruits, les mangea, puis se laissa tomber à terre avec la gracieuse mollesse qu'on admire chez les écureuils. Ses membres possédaient une élasticité qui ôtait à ses moindres mouvements jusqu'à l'apparence de la gêne ou de l'effort. Elle joua sur le gazon, s'y roula comme aurait pu le faire un enfant, puis, tout à coup, elle jeta ses pieds et ses mains en avant et resta étendue sur l'herbe avec l'abandon, la grâce, le naturel d'une jeune chatte endormie au soleil. Le tonnerre avait grondé dans le lointain, elle se retourna subitement et se mit à quatre pattes avec la miraculeuse adresse d'un chien qui entend venir un étranger. Par l'effet de cette bizarre attitude, sa noire chevelure se sépara tout à coup en deux larges bandeaux qui retombèrent de chaque côté de sa tête et permit aux deux spectateurs de cette scène singulière d'admirer des épaules dont la peau blanche brilla comme les marguerites de la prairie, un cou dont la perfection faisait juger celle de toutes les proportions du corps. Elle laissa échapper un cri douloureux et se leva tout à fait sur ses pieds. Ses mouvements se succédaient si gracieusement, s'exécutaient si lestement, qu'elle semblait être non pas une créature humaine, mais une de ces filles de l'air célébrées par les poésies d'Ossian. Elle alla vers une nappe d'eau, secoua légèrement une de ses jambes pour la débarrasser de son soulier, et parut se plaire à tremper son pied blanc comme l'albâtre dans la source en y admirant sans doute les ondulations qu'elle y produisait et qui ressemblaient à des pierreries. Puis elle s'agenouilla sur le bord du bassin, s'amusa comme un enfant à y plonger ses longues tresses et les en tirer brusquement pour voir tomber goutte à goutte l'eau dont elles étaient chargées et qui, traversée par les rayons du jour, formait comme des chapelets de perles. « Cette femme est folle !» s'écria le conseiller. Un cri rauque, poussé par Geneviève, retentit et parut s'adresser à l'inconnu qui se redressa vivement en chassant ses cheveux de chaque côté de son visage. En ce moment, le colonel et Dalbon purent voir distinctement les traits de cette femme qui, en apercevant les deux amis, accourut en quelques bonds à la grille avec la légèreté d'une biche. « Adieu !» dit-elle d'une voix douce et harmonieuse, mais sans que cette mélodie, impatiemment attendue par les chasseurs, parut dévoiler le moindre sentiment ou la moindre idée. M. Dalbon admira les longs cils de ses yeux, ses sourcils noirs bien fournis, une peau d'une blancheur éblouissante et sans la plus légère nuance de rougeur. De petites veines bleues tranchaient seules sur son teint blanc. Quand le conseiller se tourna vers son ami pour lui faire part de l'étonnement que lui inspirait la vue de cette femme étrange, il le trouva étendu sur l'herbe et comme mort. M. Dalbon déchargea son fusil en l'air pour appeler au monde et cria « Au secours !» en essayant de relever le colonel. Au bruit de la détonation, l'inconnu, qui était resté immobile, s'enfuit avec la rapidité d'une flèche, jeta des cris d'effroi comme un animal blessé et tournoya sur la prairie en donnant les marques d'une terreur profonde. M. Dalbon entendit le roulement d'une calèche sur la route de l'île Adam et implora l'assistance des promeneurs en agitant son mouchoir. Aussitôt la voiture se dirigea vers les bons hommes, et M. Dalbon y reconnut M. et Mme de Granville, ses voisins, qui s'empressèrent de descendre de leur voiture en l'offrant au magistrat. Mme de Granville avait, par hasard, un flacon de sel que l'on fit respirer à M. de Sucy. Quand le colonel ouvrit les yeux, il les tourna vers la prairie où l'inconnu ne cessait de courir en criant, et laissa échapper une exclamation indistincte, mais qui révélait un sentiment d'horreur. Puis il ferma de nouveau les yeux en faisant un geste comme pour demander à son ami de l'arracher à ce spectacle. Monsieur et Madame de Granville laissèrent le conseiller libre de disposer de leur voiture en lui disant obligeamment qu'ils allaient continuer leur promenade à pied. « Quelle est donc cette dame ?» demanda le magistrat en désignant l'inconnue. « L'on présume qu'elle vient de Moulins, » répondit Monsieur de Granville. « Elle se nomme la comtesse de Vandières, on l'a dit folle, mais comme elle n'est ici que depuis 2 mois, « je ne saurais vous garantir la véracité de tous ces oui-dire. » M. Dalbon remercia M. et Mme Granville et partit pour Cassan. « C'est elle !» s'écria Philippe en reprenant ses sens. « Qui elle ?» demanda Dalbon. « Stéphanie. Ah, morte et vivante, vivante et folle, j'ai cru que j'allais mourir. » Le prudent magistrat, qui apprécia la gravité de la crise à laquelle son ami était tout en proie, se garda bien de le questionner ou de l'irriter. Il souhaitait impatiemment arriver au château, car le changement qui s'opérait dans les traits et dans toute la personne du colonel lui faisait craindre que la comtesse n'eût communiqué à Philippe sa terrible maladie. Aussitôt que la voiture atteignit l'avenue de l'île Adam, Dalbon envoya le laquais chez le médecin du bourg. En sorte qu'au moment où le colonel fut couché, le docteur se trouva au chevet de son lit. « Si monsieur le colonel n'avait pas été presque à jeun, dit le chirurgien, il était mort. Sa fatigue l'a sauvé. » Après avoir indiqué les premières précautions à prendre, le docteur sortit pour aller préparer lui-même une potion calmante. Le lendemain matin, M. de Sucy était mieux, mais le médecin avait voulu le veiller lui-même. « Je vous avouerai, monsieur le marquis, dit le docteur à M. Dalbon, que j'ai craint une lésion au cerveau. M. de Sucy a reçu une bien violente commotion. Ses passions sont vives, mais chez lui, le premier coup porté décide de tout. Demain, il sera peut-être hors de danger. » Le médecin ne se trompa point, et le lendemain, il permit au magistrat de revoir son ami. « Mon cher Dalbon, dit Philippe, en lui serrant la main. « J'attends de toi un service. Cours promptement aux bons hommes. Informe-toi de tout ce qui concerne la dame que nous y avons vue, et reviens promptement, car je compterai les minutes. » M. d'Albon sauta sur un cheval et galopa jusqu'à l'ancienne abbaye. En y arrivant, il aperçut devant la grille un grand homme sec, dont la figure était prévenante, et qui répondit affirmativement quand le magistrat lui demanda s'il habitait cette maison ruinée. M. d'Albon lui raconta les motifs de sa visite. « Et quoi, monsieur ? » s'écria l'inconnu. « Serait-ce-vous qui avez tiré ce coup de fusil fatal ? Vous avez failli tuer ma pauvre malade. »« Eh, monsieur, j'ai tiré en l'air. Vous auriez fait moins de mal à madame la comtesse si vous l'eussiez atteinte. »« Eh bien, nous n'avons rien à nous reprocher, car la vue de votre comtesse a failli tuer mon ami, monsieur de Sucy. »« Sera-ce le baron, Philippe de Sucy ? » s'écria le médecin en joignant les mains. « Est-il allé en Russie, au passage de la Bérézina ?»« Oui. » reprit d'Albon. « Il a été pris par des Cosaques et mené en Sibérie, d'où il est revenu depuis 11 mois environ. « Entrez, messieurs, » dit l'inconnu, en conduisant le magistrat dans un salon situé au rez-de-chaussée de l'habitation où tout portait les marques d'une dévastation capricieuse. Des vases de porcelaine précieux étaient brisés à côté d'une pendule dont la cage était respectée. Les rideaux de soie drapés devant les fenêtres étaient déchirés, tandis que le double rideau de mousseline restait intact. « Vous voyez ?» dit-il à M. d'Albon en entrant, les ravages exercés par la charmante créature à laquelle je me suis consacré. C'est ma nièce. Malgré l'impuissance de mon art, j'espère lui rendre un jour la raison, en essayant une méthode qu'il n'est malheureusement permis qu'aux gens riches de suivre. Puis, comme toutes les personnes qui vivent dans la solitude, en proie à une douleur renaissante, il raconta longuement au magistrat l'aventure suivante, dont le récit a été coordonné et dégagé des nombreuses digressions que firent le narrateur et le conseiller.